Nous sommes de retour ce matin et on va continuer ensemble notre belle étude de l'Évangile de Jean. Et j'avais un peu hâte, je peux vous dire, ce matin, j'avais un peu hâte à pouvoir commencer le chapitre 10 avec vous. C'est un des beaux chapitres de la Bible qui est bien connu, qui est bien... illustré aussi, si vous cherchez des photos de Jésus, la plupart des photos de Jésus qu'on a sont tirées ou peintes à partir du chapitre 10, comme berger. On a tous vu des photos de Jésus avec des petites brebis sur le dos, assis par terre avec une petite brebis blanche à ses genoux, debout avec sa grande canne parmi un petit troupeau. Jésus est peint comme berger. Et je crois que c'est une, à part de la vérité qu'il est le sauveur, que cette photo en croix, je crois que l'autre la plus souvent utilisée, c'est celle du berger. Mais ce matin, nous allons prendre une approche un petit peu différente au chapitre 10 que ce que vous avez entendu un peu dans le passé. Parce que dans le passé, peut-être que vous avez eu des messages sur chapitre 10, mais en ce qui concerne la brebis, combien de fois vous avez peut-être cité vous-même ou entendu dire les gens vous citer, « Personne ne va venir ravir de ma main », c'est marqué dans Jean 10. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus nous a donné une vie abondante. Et souvent les messages ou les études sont faites en mettant un focus sur la brebis. Mais on va prendre une autre approche ce matin, celle de regarder le berger et non pas la brebis. Parce qu'on va voir que Jean continue sa lancée dans « J'ai écrit ces choses afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie éternelle. » Donc, Jésus veut se présenter à nous ce matin comme étant le berger. Donc, nous allons voir cela et nous allons comprendre ensemble que ce texte est très bien présenté afin qu'on croie que Jésus était le Fils de Dieu ou Dieu lui-même. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes heureux ce matin de se tourner vers toi, vers le berger d'Israël. Nous voulons comprendre ce berger. Nous voulons savoir qui il est. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître celui que tu as envoyé. Et en le connaissant, indéniablement, indirectement, nous allons nous connaître aussi. Et nous voulons ce matin que tu puisses nous faire un peu plus vibrer pour toi, pour Jésus, pour ceux qui nous ont appelés à être leur brebis. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Pour nous qui sommes en grande partie des citadins, des gens du 21e siècle, qui ne connaissons pas beaucoup c'est quoi la vie de berger, des fois on manque le bateau avec les textes. Et ce matin, on ne va peut-être pas aller loin dans le chapitre 10, mais on va prendre le temps de mettre un fondement afin qu'on puisse bien comprendre l'enseignement ici par rapport à Jésus. Je vous ai déjà dit que j'étais en Israël il y a plusieurs années, et quand j'ai vu un berger là, avec les brebis, il y a une autre fois j'ai vu une bergère avec des brebis, et ceci a changé en partie ma compréhension de la vie chrétienne. Laissez-moi vous dire, si vous en souvenez pas. J'étais dans un autobus, on était à Jérusalem, on était nous des touristes, et on suivait le trafic. Et pendant que l'autobus avançait, j'ai vu apparaître à travers les autos, à travers les camions, un berger avec une vingtaine peut-être de brebis. Mais au contraire de moi qui avait été cultivateur, ce berger s'en allait en avant des brebis. Et non pas en arrière, comme je faisais avec mes vaches et avec mon chien, pour les pousser, pour qu'ils avancent vers l'étable, ou les pousser pour les faire changer de pâturage. Mais ces brebis suivaient le berger à travers les autos, à travers les camions, dans la circulation, et je me suis dit à moi-même, mais ils ont une totale confiance dans ce berger-là. Et en ouvrant la vitre de l'autobus, j'ai remarqué ce que le berger faisait. Il parlait constamment. Et les brebis suivaient Jésus. Ce berger, excusez. Ça a changé ma perception de la vie chrétienne. Jésus m'a appelé à le suivre. Jésus n'est pas là en train de me pousser dans le dos, n'est pas là en train de me commander, en train de me harceler, en train de me sermonner pour que je le suive. Il y a une autre fois, j'étais dans le sud d'Israël, dans un pas loin de Masada. C'est complètement désertique. Tu te promènes et tu vois quasiment juste du sable. De temps en temps, un petit arbre rachitique avec quelques feuilles. Mais nous, on était en auto sur une belle route asphaltée. Et tout à coup, de nulle part, nous voyons une femme, une bergère. Elle conduisait une quinzaine de moutons et de chèvres. Et elle aussi était en avant. Et les brebis et les chèvres suivaient cette bergère-là, et je me suis dit, mais où est-ce qu'ils s'en vont? Il n'y a rien à manger ici. Mais les brebis et les chèvres savaient que la bergère savait, elle, où est-ce qu'étaient les brebis, l'herbe et l'eau. Et la suivaient de plein gré, avec grand intérêt, et personne ne les tapait dessus, personne ne les poussait dans le dos, personne ne les criait après, ils suivaient, sachant que la bergère les emmenerait à l'eau et à l'herbe. Ça a changé ma vie chrétienne. Je ne voyais plus le Seigneur Jésus de la même façon. Lui, il s'en va. Et moi, je dois suivre, ou j'ai décidé de suivre. Et vous remarquerez que Jésus, dans les évangiles, il dit tout le temps, suivez-moi, suivez-moi. Il ne dit pas, je vais vous dire où aller, suivez-moi. Et librement, pour moi, il y a 33 ans, j'ai décidé que je suivais ce berger. Bien différent. Ça, on doit comprendre ça. Il y a une autre chose qu'on doit comprendre, c'est que quand Jean ici va parler du berger, et quand Jésus va se présenter comme le bon berger, il fait référence à des textes de l'Ancien Testament. Il fait référence à une des prophéties dans cet testament. Les Juifs, quand ils ont entendu Jésus se présenter comme le bon berger, ils ont vu ils ont vu Jésus comme étant le... celui dont Israël avait annoncé. Ils ont entendu dans leur conscient ou dans leur subconscient les prophéties de l'Ancien Testament. Parce que tout au long de l'Ancien Testament, il y a Dieu qui se présente comme berger. Il parle de ces bergers qui étaient des faux bergers. Il dit, moi, je vais paître mon propre troupeau. Moi, je vais être le berger de mes brebis. Et d'autres fois, il fait prophétie qu'il va venir un berger. Et que ce berger, c'est le fils de David, ou des fois même, c'est lui-même qui va venir paître son troupeau. Donc ici, quand Jésus se présente comme le bon berger, il se présente comme le berger prophétisé. Comme, il se présente comme le Dieu, le bon berger. Donc cette prophétie, ce texte ici, nous pousse à voir Jésus comme le berger d'Israël. Et pas juste un berger, mais le berger d'Israël. Et ça contribue à le présenter comme le Messie et comme le Fils de Dieu, ou Dieu fait chair. Je vais vous lire quelques textes pour vous nous mettre dans le contexte. On ne va pas aller loin dans le chapitre 10 ce matin. Lisons ensemble. Jérémie, chapitre 23. Malheur aux bergers qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage, ils seront féconds et multiplieront. Isaïe 40. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem. Pour publier la bonne nouvelle, élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein. Et conduira les brebis qu'il allaite. Un autre texte maintenant qui va présenter Jésus comme celui qui va venir, celui qui va être envoyé. Ézéchiel 34, c'est Dieu qui parle. J'établirai sur elle un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Dans ces textes, nous voyons ce matin que Dieu se présente comme celui qui va venir pour prendre lui-même soin de son peuple. Il va venir. Parce que les chefs religieux abusent, chassent, maltraitent le peuple. Et n'oubliez pas qu'avant le chapitre 10, il y a eu le chapitre 9. Il y a une suite, là. On va le voir un peu plus loin encore. Mais il y a une suite. Voici, il dit que les chefs d'Israël, les pharisiens, les chefs spirituels, viennent de chasser un homme qui vient d'être guéri par Dieu. Un homme qui vient d'être béni de Dieu. parce qu'on lui a redonné la vue. Il le chasse. Et ça, c'est une suite. Il dit, vous êtes vraiment ceux que Dieu avait prophétisés. Vous ne prenez pas soin de mon peuple. Vous abusez de mon peuple. Vous tyrannisez mon peuple. Je viens moi-même. Je viens dans mon fils David. Je viens dans mon serviteur David. Et Jésus, c'est ce berger-là qui vient. Il faut garder ça dans notre esprit pendant qu'on va lire chapitre 10 et qu'on va l'étudier ensemble. Nous, on a tendance à penser que c'est la brebis qui est importante. Mais ce n'est pas la brebis. C'est le berger. On va voir demain que un berger, ça rassemble un troupeau. Un berger, ça s'occupe des brebis. Un berger protège les brebis. Juste pour une raison. Ce n'est pas pour la brebis, c'est pour lui. Parce que, excusez l'expression, finalement, le berger va bouffer la brebis. Parce que le berger garde des brebis pour son propre besoin. Pour leur laine, pour leur lait, pour leur viande, pour les vendre et s'acheter autre chose avec. Le berger s'occupe des brebis parce qu'il en tire quelque chose pour lui-même. Et le texte ici, Jésus se présente comme le berger. On va voir cela. Mais il va s'occuper d'un troupeau. Oui, le troupeau bénéficie du bien-être que le berger lui accorde. Mais le berger le fait pour lui. Et non pas pour les brebis. Dans notre génération, où est-ce qu'on présente les animaux, puis on dit, sont-tu cute? Es-tu belle, la petite brebis toute blanche? Es-tu cute? On dépense des milliards pour sauver des phoques et des baleines. On est rendu maintenant, j'ai entendu dernièrement dans une vidéo, que les animaux ont autant de droits ou autant de valeurs que les êtres humains. On est un peu mélangé, là, pour employer un mot doux. On est un peu mélangé. Nous autres, on va voir que Dieu va nous appeler, va nous prendre soin de nous. Finalement, il va donner sa vie pour nous. Mais n'oublions pas qu'il le fait parce qu'il veut que nous, on soit utiles pour lui. Ce troupeau, il le veut pour sa propre gloire et non pas pour nous. Notre Père du ciel, nous avons mis le contexte ce matin pour bien comprendre c'est quoi le berger. C'est bien comprendre aussi quelle est notre place en tant que brebis. Nous te demandons que dans les quelques matins qui vont suivre, tu puisses nous utiliser, nous diriger, nous montrer que Jésus est vraiment le berger qui devait venir. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui, en tant que berger, pour rassembler un troupeau pour la gloire de son Père, pour sa propre gloire. Les brebis d'un berger glorifiaient ou faisaient la gloire de leur berger. Plus les brebis étaient belles et grasses, on ne disait pas « Oh, qu'ils sont cute », on disait « Oh, ils ont un bon berger ». C'est ce que nous voulons arriver à dire à la fin. Nous avons un bon berger et nous t'adorons et nous te louons et nous te glorifions. Utilise-nous pour ta gloire. Amen.